ce n'est qu'un point de poésie dans le ciel des matins de pluie, le satin rose de ta peau que je caresse avec des mots. C'est un baiser un peu futile dans un tendre matin d'avril. C'est une bouteille à la mer, une oasis dans le désert. Une chanson. Fans de chansons françaises de tous les temps et tous les autres, bonjour. Vous êtes bien sur Radio Fagette Nancy 94.2. Daniel en votre compagnie, Yves à la technique pour cette 12e émission de la cerise sur le canto dédiée à la chanson française. Chanson d'hier ou d'avant-hier, tube de demain, un jury qui élit les trois chansons gagnantes de l'émission précédente. Et sans plus tarder d'ailleurs, voilà le résultat de la cerise sur le canto numéro 11. Monte sur le troisième marche du podium pour y recevoir la médaille de bronze, Mireille Mathieu, Paris en colère. Que l'on touche à la liberté et Paris se met en colère. Et Paris commence à gronder et le lendemain c'est la guerre. Paris se réveille. On veut être libre à n'importe quel prix. On veut vivre, vivre, vivre, vivre libre à Paris. Attention, ça va toujours loin quand Paris se met en colère. Quand Paris sonne le tocsin, ça s'entend au bout de la terre. Et le monde tremble. Sur la deuxième marche du podium, notre pâtissière favorite, Pâte à Choux, rue Saint-Vincent. Elle avait sous sa toque de martre, à la butte Montmartre, un petit air innocent. On l'appelait Rose, elle était belle, elle sentait bon la fleur nouvelle, rue Saint-Vincent. On n'avait pas connu son père, elle avait plus de mère, et depuis 1900, elle demeurait chez sa vieille aïeule, où qu'elle s'élevait comme ça toute seule, rue Saint-Vincent. Elle travaillait déjà pour vivre, et les soirs de givre, sous le froid noir et glaçant. Son petit fichu sur les épaules a rentré par la rue des Saules, rue Saint-Vincent. A voyait dans les nuits gelées la nappe étoilée et la lune en croissant qui brillait blanche et fatidique sur la petite croix de la basilique rue Saint-Vincent. L'été par les chauds crépuscules a rencontré Jules qui était si caressant, caressait la soirée entière avec lui près du vieux cimetière rue Saint-Vincent. Mais le petit Jules était de la tierce qui soutient la Gerse. Aussi l'adolescent, voyant qu'elle marchait pas au pantre, d'un coup de surin lui troua le ventre rue Saint-Vincent. Quand on l'a couché sous la planche, elle était toute blanche. Même quand l'ensevelissant, les croque-morts disaient que la pauvre gosse était claquée le soir de sa noce rue Saint-Vincent. Elle avait sous sa toque de martre à la butte Montmartre un petit air innocent. On l'appelait Rose, elle était belle, elle sentait bon la fleur nouvelle rue Saint-Vincent. Gagnant de la cerise sur le canto numéro 11, eh bien c'est Johnny Hallyday avec dans son album posthume J'en parlerai au diable. Alors je ne bronche pas. Si jamais on me dit que j'ai menti, alors je ne relève pas. Car le jour viendra de répondre de mes actes et je ne me cacherai pas. Oui, le jour viendra de respecter le pacte et lui seul m'entendra. J'en parlerai. De m'asseoir à sa table et dire ma vérité. J'en parlerai au diable, il saura m'écouter. L'innocent, le coupable, l'homme que j'étais. Si jamais on me dit ça, tu le mérites. Que j'ai trop flirté avec les limites, je ne vais pas le nier. On sort de la piste. reprend l'espoir, en avance plus ou moins croire. Et c'est en soliste que je lui dirai mon histoire, et j'assumerai mes choix. J'en parlerai au diable si l'heure vient à sonner. Alors, je ne sais pas si on va en parler au diable, mais en tout cas, moi, je vais vous parler de la page Facebook de la cerise sur le canto. Donc, tous les titres de l'émission sont repris et numérotés. Ainsi, vous pouvez établir votre tiercé, le publier et le comparer à celui du jury et peut-être gagner le cadeau mis en jeu. Dans l'ordre ou dans le désordre, si vous êtes le premier à donner le tiercé, c'est gagné. Bon, passons à la sélection du jour. On connaît bientôt toute la famille d'Yves Dutheil. On sait que c'est le petit-neveu du capitaine Dreyfus. On le sait également petit-fils de l'alpiniste écrivain Roger Frison-Roche et petit-fils de bijoutier horloger. Non, ses grands-parents maternels ne s'appelaient ni Clémentine ni Léon, mais Jeannette et Henri. Et ils n'étaient pas bijoutiers à Pantin, mais ils étaient établis au Carillon d'Or, dans le 19e arrondissement de Paris. À part ça, tout est bon dans la chanson Clémentine et Léon. Clémentine et Léon, Barentin, qui vendaient des pendules à Pantin, se sont connus un jour en prenant leur journal à côté du café du canal. Et le jour de la Saint-Valentin, ils se sont mariés sans parents ni parrains. La fanfare avait joué des musiques de Chopin. Clémentine et Léon étaient bien. Pendant qu'elle attendait les clients, Clémentine astiquait les cadrans, et Léon tout au fond dans son beau tablier réparait les horloges du quartier. À côté du cahier des tampons, il y avait sur la caisse une corbeille de bonbons. Les coucous qui sonnaient du matin jusqu'au soir donnaient l'heure, la demi et le quart. Clémentine eut deux fils de Léon. Il fallut agrandir la maison. On reprit pour pas cher sa boutique aux voisins. Jusque-là, les affaires marchaient bien. Mais la guerre est venue tout défaire. Clémentine a pleuré pour ses fils et leur père. Les pendules ont cessé d'égayer la maison quand Léon s'en alla pour le front. Clémentine a vendu ses bijoux, accroché son alliance à son cou. Les enfants qui donnaient du travail à foison lui faisaient oublier les saisons. Les horloges arrêtées sur une heure attendaient le retour du soldat de son cœur. Quand Léon apparut dans la porte un beau soir, elle a dû se pincer pour y croire. Clémentine et Léon Barentin, pour le jour de la Saint-Valentin, ont rouvert la boutique et l'ont rebaptisée. On entendit les bruits des baisers. Il avait fabriqué de ses mains un carillon qui jouait sur un air de Chopin. Ils avaient invité pour l'inauguration les amis, les voisins, les enfants, les cousins, la fanfare et même tout l'orphéon. Clémentine et Léon. Idiote, idiote, je t'aime. Ah bah oui, bah ça c'est le nom de l'album de Charles Aznavour qui est sorti en 1972 et extrait de l'album Idiote, je t'aime, les plaisirs démodés, Charles Aznavour. Les bruits familiers de la boîte à la mode, aux lueurs psychédéliques, aux curieux décors, nous découvrons assis sur des chaises incommodes les derniers disques pop poussés au maximum. C'est là qu'on s'est connus parmi ceux de notre âge. Toi vêtu en indienne et moi en col Mao. Nous revenons depuis comme en pèlerinage, danser en la fumée, à couper au couteau. Viens, découvrons toi et moi les plaisirs démodés. Mon cœur contre mon cœur, malgré les rythmes fous, je veux sentir mon corps par ton corps épousé. Dansons, joue contre joue, dansons, joue contre joue. Viens dans la cohue, mais dissocié du bruit, comme si sur la terre il n'y avait que nous. Glissons les yeux mi-clos jusqu'au bout de la nuit. Dansons, joue contre joue, la piste envahie, c'est un spectacle rare. Les danseurs sont en transe et la musique est dans. Il semble sacrifié à des rites barbares sur des airs d'aujourd'hui, souvent vieux de tout temps. L'un à l'autre étranger, bien que dansant ensemble, les couples se démènent, on dirait que pour eux. La musique et l'amour ne font pas corps ensemble. Dans cette obscurité propice aux amoureux, viens, découvrons toi et moi les plaisirs démodés. Ton cœur contre mon cœur, malgré les rythmes fous, je veux sentir mon corps par ton corps épousé. Dansons, joue contre joue. Dansons, joue contre joue. Viens, noyé dans la cohue, mais dissocié du bruit. Comme si sur la terre, il n'y avait que nous. Glissons les yeux mi-clos jusqu'au bout de la nuit. Dansons, joue contre joue. Dansons, joue contre joue. Serre-toi encore plus fort. T'occupe pas des autres. On est bien comme ça, la joue contre ma joue. Tu te souviens? Ça fait un drôle d'effet tout de même. On a l'impression de danser comme nos parents. Dans le fond, ils avaient peut-être pas tout à fait tort. Les époques changent. L'amour reste. Dansons, joue contre joue. Dansons, joue contre joue. Après 6 années terribles de conflits, de 1939 à 1945, à quand on pense à toutes ces victimes, plus de 60 millions de morts, dont 567 000 pour la France, l'occupation, les privations, les bombardements, les familles dévastées, les catastrophes et malheurs en tout genre, c'est fou quand ça fait du bien, quand tout s'arrête. Alors tout va bien, bon, on est content, on marche dans les ruines, on n'a plus rien, mais on est heureux, on est tous copains et on chante ploum ploum tralala. Bizarre, non? On chante dans mon quartier, on a le cœur gai, c'est le comble. On chante dans mon quartier, Georges Gosset. Si vous vous promenez dans mon quartier, vous y verrez comme on a le cœur gai. Vous entendrez les maisons murmurer des chansons. Le cordonnier chante en cordonnant, le menuisier chante en menuisant, et le sergent de ville sur son sifflet joue à menuet. Merci monsieur l'agent, on chante dans mon quartier le jour tout entier de vagues romances. On chante dès le matin, quand un air s'éteint, un autre commence. Sur un brin de valse lente ou des refrains plus légers, partout des caves au grenier, tous les jours on chante dans mon quartier. Attention! de printemps. Il y avait des gens assemblés dans la rue pour chanter. Comme par hasard, elle était près de lui. Comme par hasard, il lui a souri. Et comme par hasard, ils ont chanté la même chanson. On chante dans mon quartier, le jour tout entier, de vagues romances. On chante dès le matin, quand un air s'éteint, un amour commence. Ce soir, c'est jour de vacances, demain, ils vont se marier. Partout, des caves au grenier, tous les jours, on chante dans mon quartier. Attention! Je vous jure que dans mon quartier, comme partout dans Paris tout entier, en s'éveillant certains jours, on a le cœur un peu lourd. Mais c'est la vie qui reprend le dessus. On se dit qu'au fond, tout n'est pas perdu et que les murs sont encore bons. Alors vite une chanson. Il en faut si heureux, si peu pour être heureux. La chanson Blues blanc et noir, autrement dénommée White and Black Blues, est sortie en 1990. C'est la chanson qui représentait la France au concours Eurovision de la chanson qui se déroulait à Zagreb. Composée par Serge Gainsbourg, elle était intégralement interprétée en français, langue nationale, avec quelques mots en anglais que le règlement autorisait. C'était l'époque où la France concourait pour gagner. White and Black Blues se classait alors deuxième, Joël Ursule. Je quelques millions, 13 à la 12, en white and black. Danse, balance sur le white and black blues. That's all white. Danse, balance sur le white blues and black. Un groupe nancéen maintenant, un groupe nancéen bien sympathique, qui ne se produit plus sous le nom de Annecy Saucisse. Eh ben oui, ça a changé de nom. Mais maintenant, ce sont les Bêtises. Tu t'envoles, les Bêtises. Entre ciel et terre, tu flottes, le cœur entre deux chaises, tu t'enrobes d'hypothèses dans un foutoir à foutaise. Pas toujours à l'aise, dans ta tête ça mijote, cuisine à l'anecdote, dans une batterie de Camelot. Sur des braises, dans un volcan de fadaise. Tu cultives tes malaises, tu sèmes tes nerfs en plot, pensées que tu récoltes dans un espoir désinvolte. Ne me demandez pas si j'aime la grâce. Ne me demandez pas si j'aime Paris. Autant demander à un oiseau s'il aime le ciel ou s'il aime son nid. C'est une chanson d'un autre temps, certes, mais quelle jolie voix que celle de Joséphine Baker. Paris, Paris, Paris. Thank you. si j'aime la grâce. Ne me demandez pas si j'aime Paris. Autant demander à l'oiseau dans l'espace s'il aime le ciel ou s'il aime son nid. Autant demander au marin qui voyage s'il peut vivre sans la mer et le beau temps. Autant demander à une fleur sauvage s'il en peut vraiment se passer de printemps. Paris, Paris, Paris, c'est sur la terre un coin de paradis. Paris, Paris, Paris, de mes amours c'est lui le favori. Mais oui, paradis. Ce que j'en dis, on vous l'a déjà dit. Et c'est Paris qui fait la Parisienne, qu'importe qu'elle vienne du Nord ou bien du Midi. Et c'est aussi le charme et l'élégance et l'âme de la France, tout cela, mais c'est Paris. Paris, Paris, Paris. Madame, c'est votre robe si jolie. Paris, Paris, Paris. C'est votre beau bijou d'un goût exquis. Mais oui, paradis. C'est aussi votre généreux mari. Mais oui, Paris, c'est votre boucle blonde qu'on sait le mieux du monde coiffée avec fantaisie. Mais oui, Paris, c'est votre bon sourire. C'est tout ce qu'on désire, tout cela, mais c'est Paris. Et c'est aussi le charme et l'élégance et l'âme de la France. Tout cela, oui, c'est Paris. Chanteuse, comédienne et écuyère, Sophie Tapie, c'est la fille de son père, bien entendu, est née à Paris en 1988. Elle participe en tant que candidate à la saison 2 de The Voice, année 2012, et sort en 2015 son premier album de musique country qui s'intitule Sauvage. En 2018, elle chante We Love sur un nouveau single, Une belle voix. Mais alors pourquoi éprouve-t-elle le besoin de chanter une partie en anglais ? Bon, c'est sans doute pour les auditeurs français qui ne comprennent que l'anglais, va savoir. We love Sophie Tapie. Y'a ceux qui aiment des moches, des belles ou parfois même des hommes en jartel. Y'en a qui aiment l'amour en pixels et d'autres en love à l'hôtel. Y'a ceux qui parlent de science, toutes de leurs croyances. Y'en a qui votent pour l'intolérance et d'autres pour Miss France. Ça sert à quoi tout ça, si on ne se comprend pas. We just have to love each other. We just have to love. Tell your brother, tell your sister. Love is where we go. Laissez parler nos émotions. Vivent l'instant et d'autres qui fuient le présent. Y'a ceux qui savent déjà et ceux qui ne comprennent pas. Y'a ceux qui font le tour du monde et ceux dont l'âme vagabond. Ça sert à quoi tout ça, si on ne se comprend pas. We just have to love each other. Et puisqu'on a tous le même ciel, aussi contraire que pareil. We just have to love each other, we just have to love. Tell your brother, tell your sister, love is where we go. We just have to love each other, we just have to love. Tell your brother, tell your sister, love is where we go. Laissez parler nos émotions, et qu'importe leurs opinions. Gardez vos filles. Ah oui, ce n'est pas moi qui vais vous les prendre. Gardez vos filles car elles ont le cœur beaucoup trop tendre. J'aurais trop peur de les blesser avec mes mauvaises manières. Oh, je n'ose pas les enlacer, de peur qu'elles cassent comme du verre. Gardez vos filles, leur bonne tenue me rend timide. C'est une chanson de 1962. Gardez vos filles, Georges Moustaki. Gardez vos filles, ce n'est pas moi qui vais vous les prendre. Gardez vos filles, elles ont le cœur beaucoup trop tendre. J'aurais trop peur de les blesser avec mes mauvaises manières. Je n'oserais pas les enlacer, de peur qu'elles cassent comme du verre. Gardez vos filles, leur bonne tenue me rend timide. Gardez vos filles, elles ont trop l'air d'être en visite. Enrubannées dans leur dentelle, capitonnées dans leur velours, comment voulez-vous que l'amour puisse aller jusqu'à elles? Je ne sais pas faire la révérence, ni les baise-mains, ni les yeux doux. Je ne sais pas me mettre à genoux, j'ignore tout de la bienséance. Prenez-moi comme il faut me prendre, ou ne me prenez pas du tout. Mais laissez-moi vivre à mon goût, à cœur se donne, à bouche gourmande. Gardez vos filles bien à l'abri de ma bohème. Gardez vos filles, protégez-les de mes je t'aime. Je ne suis pas prince charmant, et ça leur ferait faire la grimace. Des comme moi qui trop embrasse, qui trop embrasse et trop souvent. Gardez vos filles, mais laissez-moi parmi les autres. Rien qu'une fille qui ne ressemble pas aux vôtres. À qui offrir toutes mes richesses, mes rêves de monts et de merveilles, et lui faire une place au soleil de ma tendresse. Aya Nakamura est née à Bamako, au Mali, en 1995, dans une famille de griots. Ah, qu'est-ce que c'est qu'un griot ? Eh bien, c'est une personne qui officie comme communicateur traditionnel en Afrique occidentale. Communicateur traditionnel. Bah, c'est un conteur, un raconteur d'histoire, tout simplement. Peu de temps après, sa famille s'établit en France, à Aulnay-sous-Bois. Et Aya hésite pour son avenir professionnel entre le modélisme et le chant. Et elle a choisi le chant. Alors, elle a déjà sorti deux albums, un en 2017, Journal Intime, et un en 2018, Nakamura, et un certain nombre de singles, dont Copine en 2018, Copine Aya Nakamura. dit la vérité. J'suis pas tout plan bête, à ma telle fessée. J'réponds à tes appels, tu crois que j'veux la fesser. Moi j'm'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Trop tard, trop tard, j'suis trop loin pour toi. Trop tard, trop tard, j'suis trop loin pour toi. Et la plus bonne, bonne, bonne de mes copines. Oh mes copines, oh mes copines. Mais tu veux la plus bonne, bonne, bonne de mes copines. Oh mes copines, oh mes copines. Tu veux que bomba. En 1968, Bernard Lavillier s'engage auprès des ouvriers en lutte dans les usines et il apporte notamment son soutien aux sidérurgistes lorrains depuis plus de 30 ans. En 1978, il sort la chanson French Valley, absolument. En 1991, il donne un concert symbolique sur le site du Haut Fourneau U4 du Cange pour les salariés de l'usine Lafonte menacés de fermeture. En 2011, il est de retour pour soutenir les métallos de l'usine ArcelorMittal à Florange et il leur dédie sa chanson « Les mains d'or » extraite de l'album « Arrêt sur image, les mains d'or » Bernard Lavillier. Un grand soleil noir tourne sur la vallée, cheminée muette, portail verrouillé, wagons immobiles, tours abandonnées, plus de flammes oranges dans le ciel mouillé, on dirait la nuit, de vieux châteaux forts, bouffés par les ronces, le gel et la mort, un grand vent glacial. Fait grincer les dents, monstre de métal qui va dérivant. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et mains d'or. J'ai passé ma vie là, dans ce laminoir. Mes poumons, mon sang et mes colères noires. Horizon barré là, les soleils très rares. Comme une tranchée rouge